Tous se levèrent pour le retenir. Il se débattait en criant, pris d'une sorte de frénésie. Monsieur Désonnet répétait « Calmez-vous, voyons, cher enfant !»« Mais c'est épouvantable !» vociférait le précepteur. Fourchambault, livide comme les prunes, tremblait. Joseph riait aux éclats. Les garçons épongeaient le vin, ramassaient par terre les débris. Et le baron alla fermer la fenêtre, car le tapage, malgré le bruit des voitures, aurait pu s'entendre du boulevard. Comme tout le monde, au moment où l'assiette avait été lancée, parlait à la fois, il fut impossible de découvrir la raison de cette offense, si c'était à cause d'Arnoux, de Madame Arnoux, de Rosanette ou d'un autre. Ce qui avait de certain, c'était la brutalité inqualifiable de Frédéric. Il refusa positivement à en témoigner le moindre regret. M. Désonnet tâcha de l'adoucir, le cousin Joseph, le précepteur, Fourchambault lui-même. Le baron, pendant ce temps-là, réconfortait Sisy, qui, cédant à une faiblesse nerveuse, versait des larmes. Frédéric, au contraire, s'irritait de plus en plus. Il en serait resté là jusqu'au jour, si le baron n'avait dit pour en finir. « Le vicomte, monsieur, enverra demain chez vous ses témoins. Votre heure ? À midi, s'il vous plaît. »« Parfaitement, monsieur. » Frédéric, une fois dehors, respira plein poumon. Depuis trop longtemps, il contenait son cœur. Il venait de le satisfaire, enfin. Il éprouvait comme un orgueil de virilité, une surabondance de forces intimes qui l'enivrait. Il avait besoin de deux témoins. Le premier auquel il songea fut Rogimbard. Il se dirigea tout de suite vers un estaminet de la rue Saint-Denis. La devanture était close, mais de la lumière brillait à un carreau au-dessus de la porte. Elle s'ouvrit et il entra en se courbant très bas sous l'auvent. Une chandelle, au bord du comptoir, éclairait la salle déserte. Tous les tabourets, les pieds en l'air, étaient posés sur les tables. Le maître et la maîtresse, avec leurs garçons, soupaient dans l'angle près de la cuisine. Et Rogimbard, le chapeau sur la tête, partageait leur repas et même gênait le garçon, qui était contraint à chaque bouchée de se tourner de côté quelque peu. Frédéric, lui ayant conté la chose brièvement, réclama son assistance.